de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition présentée en langue française, dont voici d'abord les titres. Les députés expriment leurs préoccupations concernant les exonérations accordées à certains investisseurs et regrettent que ces avantages, totalisant 56 milliards de francs burundais sur six mois, n'aient pas conduit à une diminution des prix sur le marché. C'était vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Les habitants de différentes collines de la commune et province de Gitega, bénéficiaires du projet Milangabandi, témoignent qu'il est possible que des familles démunies parviennent à sortir de la pauvreté grâce à des appuis financiers gérés de manière rationnelle. Vous allez le suivre dans cette édition. Nous allons poursuivre dans cette édition la lecture des dispositions de la loi 17 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale. Restez avec nous pour plus de détails. La présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois. Les députés déplorent qu'ils ne constataient pas les avantages des exonérations accordées à certains investisseurs et organisations qui importent des produits de l'extérieur du pays, notamment en ce qui concerne la diminution des prix des produits sur le marché. Cette préoccupation a été exprimée lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale vendredi dernier au moment de la présentation des rapports sur l'utilisation des fonds publics pendant les six premiers mois de l'année budgétaire 2024. 2025. Ces députés estiment qu'il est nécessaire de réglementer les prix car, selon eux, la population ne bénéficie pas des effets des exonérations alors que les rapports avec celles-ci ont atteint un montant de plus de 56 milliards de francs burundais au cours de six premiers mois. Reportage réalisé par Alexis Desenga. Certains députés déplorent que les exonérations accordées à certains investisseurs et organisations ne soient pas bénéfiques pour la population. L'honorable Bede Nyandoui, député, se dit inquiet sur l'importance de ces exonérations. Je m'inquiète car les exonérations semblent être nombreuses. Je m'adresse à vous, monsieur le ministre des Finances. Expliquez-nous brièvement quels sont ces produits bénéfiques à la population. Jusqu'à ce qu'à l'espace de 6 mois, les exonérations s'équivalent à plus de 56 milliards. De l'autre côté, l'honorable Léonidas Nakomuyango veut savoir si l'octroi de cette exonération va poursuivre dans cette situation. Nous avons entendu que la commission a constaté que ces exonérations n'ont pas de valeur ajoutée à la population car les produits exonérés restent toujours au même prix que les autres non exonérés. Monsieur le ministre, comme ces exonérations n'avantagent pas les citoyens, est-ce que vous continuerez à les considérer dans le budget à adopter à l'avenir? Face à ces préoccupations, Nestor Nahonouye, ministre des Finances, rassure que le ministère va mettre en place des réglementations pour suivre de près les bénéficiaires des exonérations. Dans de nombreuses exonérations, les projets de la Banque mondiale, FIDA, BAD et toutes les organisations non gouvernementales touchent entre des produits exonérés car ils sont venus pour aider la population et c'est là où se trouve leur profit. En plus, il y a des exonérations octroyées pour les fertilisants, aux investisseurs, pour les médicaments et à certaines autorités, y compris vous-même. Donc, nous continuons à donner des exonérations pour augmenter les investisseurs dans le secteur économique et nous devons faire des contrôles pour que la population en profite beaucoup. Le premier vice-président de l'Assemblée, Sabine Nakarutimana, recommande au ministre des Finances de mettre en œuvre toutes les recommandations des députés en rapport avec la régulation des prix des produits faisant objet d'exonération. Page politique à présent, nous poursuivons la lecture des dispositions de la loi du 7 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale. Aujourd'hui, nous abordons la gestion des entités administratives dépendant de la commune de la zone, les attributions d'un chef de zone et la fin de ses fonctions. Les détails avec Lydie Garimbari. L'article 69 de cette loi stipule que la zone est administrée par un chef de zone et dotée d'un conseiller chargé des affaires juridiques et administratives, d'un conseiller chargé des affaires socio-économiques et de développement et d'un secrétariat et des services techniques zonaux. L'article 70 de cette loi stipule que les conseillers de chef de zone doivent avoir un diplôme universitaire. L'article 71 de cette loi stipule que le chef de zone est nommé par le gouverneur de province sur proposition de l'administrateur communal et après approbation par le conseil communal. La fonction de chef de zone est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective. L'article 72 stipule que le candidat de chef de zone doit être de nationalité burundaise, natif ou ressortissant de la zone ou résident dans la zone. Il doit avoir 25 ans révolus au moment de sa nomination. L'article 74 stipule que le chef de zone doit animer et coordonner les activités de développement initiées par la commune sur les collines ou quartiers de sa zone. Il doit assurer par délégation les fonctions d'officier de l'état civil et délivrer des documents administratifs et acte de l'état civil. L'article 75 stipule que les fonctions d'un chef de zone profond par décès ou par démission ou par survenance d'une incompatibilité suite à une condamnation définitive ou supérieure à 6 mois. Ces fonctions prennent fin également suite à un comportement scandaleux d'IMA constaté ou survenance d'une inaptitude physique ou morale d'IMA constaté par une commission de médecins du gouvernement. Page justice à présent de journalistes Willy Kwizera de Bonesha FM et Ahmad Massoudi Mugiraneza de la radio d'Iragakura sont dans les mains de la police, commissariat municipal de la police, ex-brigade spéciale de recherche BCR. Depuis le matin de ce lundi, ils ont été arrêtés en cours de reportage à Kinama sur un sit-in devant les enceintes de l'ancienne microfinance Iwatru, fermé en janvier dernier. Les placeurs ne cessent de réclamer leurs épargnes et intérêts. Jusqu'ici, le motif d'arrestation de ces journalistes n'est pas encore connu. Toujours page justice, 8 personnes de la colline Bushoka en commune Muhanga, province de Kayanza, sont en garde à vue au cachot communal de Muhanga pour des enquêtes judiciaires. Depuis ce samedi, ils sont accusés de l'assassinat d'une femme sexagénaire de cette colline. Un crime survenu samedi dernier. La victime était soupçonnée de la sorcellerie et Benoît Ndaïdeye, administrateur communal de Muhanga, exhorte ses administrés abandonner avec ses croyances. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est possible que des familles démunies parviennent à sortir de la pauvreté grâce à des appuis financiers gérés de manière rationnelle par le couple. C'est ce qu'affirment des habitants de différentes collines de la commune et province de Gitega, bénéficiaires du projet Melangabandi, ce qui est confirmé également par Innocent Hatungimana, chef collinaire de Bidori. De son côté, l'abbé Longin Bivugire, secrétaire exécutif de l'organisation DAG Caritas Gitega, partenaire de mise en œuvre de ce projet dans la province de Gitega, souligne qu'en plus des 72 000 francs reçus tous les 2 mois lors de la phase 2. Des formations sont dispensées aux familles afin de les accompagner dans la gestion de ce montant. Reportage de Mireille Kanyang. Certains des habitants de ces collines, femmes et hommes, affirment que le montant de 72 000 francs burundais reçu tous les 2 mois par les familles qui étaient vulnérables leur a été d'une grande importance. Carole Félicité est veuve, elle a 41 ans, elle est mère de 7 enfants. Elle habite le quartier Nyabiharage. L'appui qu'elle a reçu, dit-elle, l'a aidée à reprendre ses activités de commerce. Aujourd'hui, elle affirme qu'elle a fait des progrès. Françoise Nyonguru et Jean-Claude Irambona, en couple de la colline Rubambi, ils ont 4 enfants. Ensemble, ils ont su gérer l'appui reçu. Sur la même colline, nous avons rencontré Jeannette Ouimana et n'a pas eu le consentement de son ancien mari pour le développement de leur ménage. Non loin de là, à la colline Birohe, nous rencontrons Généreuse Nyandwi en train de faire des frites de pommes de terre. Elle a 24 ans. Avant, elle gagnait 500 francs par jour et puisait de l'eau pour d'autres. La pauvreté dans les familles poussait celle-ci à se quereller, indique Innocent Hatungimana, chef collinaire de Birohe. Cela a changé, dit-il, au sein de l'organisation ODAG Caritas Gitega, partenaire de mise en œuvre du projet Merangabandi en province Gitega. L'on affirme qu'en plus des enseignements, des ménages ont pu gérer l'appui reçu, précise l'abbé Longin Bivugire, secrétaire exécutif de l'ODAG Caritas Gitega. Le développement qui passe par la femme peut aboutir. Alors, on commence par faire sentir à chacun qu'il a de la valeur, qu'il a un capital qu'il ignore. C'est le capital humain. Après cette prise de conscience, on appuie aussi sur certains axes dont sa santé. Mais aussi, on insiste sur la propriété, assainissement, hygiène et assainissement. Tout cela, on leur fait connaître. Et là, alors, la personne peut apparaître. Vous allez voir les bénéficiaires. Et celui qui les connaissait au départ avec les accoutrements, ce n'est plus la même chose maintenant. Maintenant, parce que ces mesures, ces instructions leur ont été transmises. Alors, après avoir développé ce capital humain, après avoir développé chez les bénéficiaires la conscience qu'ils ont de la valeur, maintenant, on commence à leur montrer, à les tracer le chemin du développement. Dans toute cette province, l'effectif des bénéficiaires est de plus de 5200, dont plus de 5100 femmes et 145 hommes, dont 316 batois. Ceux qui ont des conjoints, ce chiffre, à plus de 2400 bénéficiaires. Rendons-nous cette fois-ci à Makamba, les femmes de l'association Mukingedi Kerebuka de la colline Kabo en commune Nyanzarake dans la province de Makamba se réjouissent des progrès réalisés grâce au projet de développement qu'ils mènent, notamment la fabrication du lait de soja. Cependant, ils soulignent que le manque de moyens financiers et de matériel représente un obstacle majeur à l'efficacité de leurs activités et demandent à être soutenus. Le chef de la colline Kabo exprime sa gratitude envers ces femmes qui, grâce à leur association de développement, parviennent à subvenir à certains besoins familiaux sans dépendre de leur mari. Reportage d'Élisée Kwizera. Ces femmes membres de l'association Mukenyezi Kerebuka de la colline Kabo en commune Nyanzalake dans la province de Makamba pratiquent l'élevage et la culture du soja. À partir de ce dernier, elles fabriquent du lait et d'autres produits comestibles. Avec la fabrication du lait de soja, Marie Chantal Hatungimana, représentant cette association, dit qu'elles ont enregistré un bénéfice de plus d'un million de francs burundais pendant seulement une période de 3 mois. Comme ce projet est encore au début, une part de ce bénéfice leur a permis d'augmenter le capital. Une des femmes de cette association témoigne que grâce à cette même association, elle a pu acheter un porc d'une valeur de 70 000 francs et va bientôt mettre bas. Elle fait savoir que cela a poussé d'autres femmes à adhérer dans des associations de développement. Cependant, Hatungimana, la représentante de cette association, indique qu'elles font face au manque de la cuisine et du matériel adéquat pour assurer la propriété et bien conserver ce produit laitier de façon durable, puisqu'elles ne fabriquent que le lait qui doit être consommé le même jour. Elle demande d'être soutenue. Grégoire Hatungimana, le chef de la colline Kabo, remercie que sur cette colline, les femmes membres des associations de développement subviennent à certains des besoins familiaux sans recourir à leur mari et demande surtout à celles qui ont bénéficié de formation, d'aider celles qui n'ont pas eu cette chance. De Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Nous venons d'apprendre que les deux journalistes arrêtés ce matin viennent d'être relâchés ou liquidés à la Dobonisha FM et Ahmad Massoudi Mugiraneza de la radio Niragakura qui était depuis le matin de ce lundi dans la main de la police au commissariat municipal de la police à mairie de Bujumbura, ex-brigade spéciale de recherche Besser. Ils ont été arrêtés en cours de reportage à Kinama sur un sit-in devant les enceintes de l'ancienne microfinance Ineza Watchou fermé en janvier dernier. Les placeurs ne cessent de réclamer leurs épargnes et intérêts. Et jusqu'ici, le motif d'arrestation de ces journalistes n'a pas encore été annoncé. Radio Isanganiro, chronique sport. Chaque année, 62 clubs de judo répartis dans tout le pays participent au championnat national de judo Focas Mezindagano. Mezindagano, secrétaire général de la Fédération burundaise de judo, affirme que ce sport a atteint un niveau satisfaisant au Burundi, notamment grâce aux performances remarquables des judokas burundais qui décrochent régulièrement les premières places dans les compétitions régionales. Chronique sport avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Les compétitions de judo sont d'abord organisées au niveau des clubs où les meilleurs s'affrontent dans le championnat national de judo. Focas Mezindagano, secrétaire général de la Fédération burundaise de judo, indique que les joueurs affichant de bonnes performances dans ce championnat sont sélectionnés automatiquement dans l'équipe nationale. On organise d'abord au niveau local. On organise des compétitions interclubs. Ce sont les clubs qui jouent entre eux. Il y a aussi le niveau national ou régional. Ce qui est important pour nous, c'est le championnat national qui nous aide à sélectionner les athlètes qui feront membre de l'équipe nationale et qui participeront dans les compétitions internationales pour représenter notre pays. Et quand vous êtes à l'équipe nationale, vous avez cette chance de faire des entraînements au moins 6-7 par semaine, donc je peux dire, et plus. Donc c'est aussi une chance de pouvoir s'entraîner plus et puis participer dans des compétitions internationales où on rencontre les athlètes, les judokas qui ont différents niveaux, ou bien même un niveau avancé. Et c'est ça qui va nous aider à faire avancer le niveau de la pratique du judo ici au Burundi. Donc, on organise et on participe. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de judo fait savoir que le sport de judo atteint un niveau satisfaisant du fait que les judokas burundais décrochent beaucoup de médailles dans les compétitions internationales. C'est aussi la scène internationale. On participe dans les compétitions de l'East Africa, là. C'est bien connu, si le Burundi participe, c'est qu'il est le premier. On est arrivé même à dire, même si on aligne 4, la première équipe alignera 28, mais on dit, j'aligne les 4 et les 4, ce sont médailles d'or et nous sommes les premiers parce que avec un classement, on considère plus les médailles d'or, après médailles d'argent, après médailles de bronze. Et puis on considère les classements d'après les médailles. Donc, nous sommes maîtres de la région de l'East Africa 2. 3, sur la scène africaine, on est arrivé à classer notre pays 3e. Au judo, on dit 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Sauf 2, on classe les impairs. Donc, on n'est pas revenu à être, pas encore été premier ou deuxième. On en a été 3e. On a été 5e, 7e, 9e. Aussi, on est à le niveau africain, on est très bien. Notre pratique est vraiment considérée. Et maintenant, même quand on fait les listes, ils voient les Burundais seront là. Ah, il faut être vigilant parce qu'ils savent bien, on se comporte très bien. On a nos athlètes qui ont de la discipline parce que c'est la discipline qui compte chez nous, qui ont la technique, qui font tout en fait, qui sont vraiment à un bon niveau. Malgré cela, Focas Mezindagano indique que quelquefois, il ne participe pas dans ces compétitions internationales suite au manque de moyens financiers. La Fédération burundaise de judo avait l'intention d'habiliter les compétitions internationales comme c'était le cas en 2019, mais cela est impossible du fait que la salle qui accueille ces compétitions a été démolie suite aux travaux de la construction du stade Inouari. On avait eu la chance, 2018-2019, d'organiser le championnat d'Afrique des cadets et des juniors. Ça s'est arrêté avec l'année 2019 à cause du Covid-19. Mais on croyait aussi qu'on allait relancer ça, mais malheureusement, parce que notre dojo a été démoli quand on faisait l'extension et la reconstruction du stade Inouari. Donc ça c'est. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de judo indique qu'il n'éprouve pas de difficultés liées aux équipements car la Fédération internationale de judo distribue chaque année ses équipements. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho.